Alhamdulillah Rabbil Alameen. La louange est à Dieu Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah as-Sadiq al-Amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa auladi Adam wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi al-islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher au bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. إننا دائما في شهر رمضان المبارك. On est toujours dans ce mois de Ramadan, ce mois béni. شهر الصيام, le mois du jeûne. ويمكن أن أقول أن هناك ثلاثة أقسام للصيام. Il m'est possible de dire qu'il y a trois types ou trois catégories de jeûne. القسم الأول صيام المذنبين. La première catégorie ou le premier groupe, le jeûne des pécheurs. يصومون عن الطعام الحلال ولا يصومون عن الذنوب والحرام. Ils jeûnent vis-à-vis des repas halal, mais il ne jeûne pas vis-à-vis des péchés et de l'interdit. Thaniyan, le deuxième groupe, siyamul mu'minin, le jeûne des croyants. Yasumuna an at-ta'am, il jeûne vis-à-vis des repas, wa yasumuna kadhalika an ad-dhunub wal ma'asi. Et en même temps, ils observent le jeûne vis-à-vis des péchés et des désobéissances. Thalifan, troisièmement, siyamul muhsinin, le jeûne des gens d'excellence ou le jeûne des bienfaisants. Bil idafa ila siyamihim an at-ta'am wa ad-dhunub, en plus de leur jeûne vis-à-vis des repas et des péchés. وَطِيلَةَ شَهْرِ رَمَضَانِ, et pendant toute la durée du mois de Ramadan, لَيْلًا وَنَهَارًا, jour et nuit, يُفَكِّرُونَ فِي اللَّهِ, ils pensent à Dieu. هُمْ مَعَ اللَّهِ, ils sont avec Dieu. قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً, leurs cœurs sont paniqués. لِسَانُهُمْ يَقُولُ, leur langue dit et répète, يَا رَبْ, ô Seigneur. هل قبلت صيامي؟ Ô Seigneur, as-tu agréé mon jeûne, Ya Rab? هل غفرت ذنوبي؟ Ô Seigneur, as-tu pardonné mes péchés? Ya Rab, هل أنت راض عني؟ Ô Seigneur, es-tu satisfait de moi? انظروا الفرق بين هؤلاء المحسنين. Regardez la différence qui se trouve entre ces bienfaisants. وبين من يصوم لأن الناس تصوم, et celui qui jeûne tout simplement parce que les gens jeûnent. يصوم وهو ناسي لله في صيامه, il jeûne et il a oublié Dieu même pendant la journée de son jeûne. المهم إنه صائم, l'essentiel il est jeûneur. ولكن الصيام لا يهمه, mais le jeûne ne l'intéresse pas. كالتلميذ أو الطالب الذي يذهب للامتحان من غير استعداد, comme l'élève ou l'étudiant qui va vers l'examen mais sans aucune préparation. ويرد الورقة بيضاء, et il rend la copie blanche. والامتحان ونتيجة الامتحان لا تهمه, l'examen et le résultat de l'examen ne l'intéresse pas. المهم أنه شارك في الامتحان, l'essentiel il a participé à l'examen. من الطبيعي أن هذا الطالب لن يعرف النجاح, il est naturel que cet élève ou cet étudiant ne connaîtra pas le succès. وأعود إلى الصيام. Et je reviens vers le jeûne. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et salut sur lui dit. ثلاثة لا ترد دعوتهم. Trois ne verront pas leur invocation, leur appel, leur dua refusé ou repoussé. الصائم حين يفطر. Le jeûneur lorsqu'il rompt le jeûne, c'est-à-dire au moment de la rupture de son jeûne. والإمام العادل et l'imam équitable ودعوة المظلوم et l'invocation d'une personne ou d'une victime d'injustice. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam al-Tirmidhi qui l'a authentifié. ورواه كذلك, il a été rapporté aussi par Ibn Majah وابن خزيمة وابن حبان والبزار إلا أنهم قالوا الصائم حتى يفطر ثلاثة لا ترد دعوتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم حتى يفطر وليس حين يفطر. Et, mais ils ont dit le jeûneur jusqu'au moment de sa rupture du jeûne. Ça veut dire la prière du jeûneur n'est pas refusée jusqu'à la rupture du jeûne et non pas pendant la rupture du jeûne. Mais ma'ana, الصائم دعوته مقبولة عند الله. Ceci signifie que l'invocation, l'appel à Dieu du jeûneur est exaucé auprès de Dieu. طول النهار, toute la journée du jeûne, وخصوصا عند وقت الإفطار, et surtout au moment de la rupture du jeûne. فالدعاء جزء من الصيام. L'invocation, l'appel fait partie du jeûne. Appeler Dieu, parler avec Dieu fait partie du jeûne. فالله تعالى وتبارك بين آيات الصيام في سورة البقرة. Dieu le Très-Haut, au milieu des versets coraniques qui parlaient du jeûne dans le chapitre La Vache, أدخل هذه الآية. Au milieu de ces versets, il a inséré ce verset. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel du prieur quand il m'appelle, ou je réponds à l'appel de l'appeleur quand il m'appelle. أَرَأَيْتُمْ. Avez-vous vu? Allah قَرِيب. Dieu est tout proche. يَتَقَرَّبْ إِلَيْنَا وَلَكِنَّنَا نَبْتَعِدُ عَنْهُ. Lui, il s'approche de nous, mais nous, on s'éloigne de lui. أَخِي. أختي, frère, sœur, لو كان الله ظاهرا يرى, si Dieu était apparent et visible, on arrivait à le voir, بنفس الصفات, il avait et il a par exemple dans cette condition les mêmes attributs, ça veut dire malikun azim, un roi tout puissant, غني, infiniment riche, karim, très très très généreux, بابه مفتوح دائما et sa porte est toujours grande, ouverte, من غير بوابين, sans gardien devant la porte qui empêche les gens d'entrer vers lui. أقسم بالله, je jure par Dieu, لوجدت المليار والنصف من المسلمين لا يخرجون من قصري. Tu verrais le milliard et demi des musulmans qui ne sortent jamais de chez lui, qui ne sortent jamais de son palais. Parce qu'on le voit, on voit son palais, il est riche, il donne et tout le monde, tout le milliard et demi des musulmans sera au milieu ou à l'intérieur du palais. ولكن لأننا لا نرى الله, mais comme on ne voit pas Dieu, فالقليل جدا من يدخل قصره, sont peu nombreux ceux qui entrent dans son palais, ويتكلمون معه, et parlent avec lui. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. La perfection, l'excellence dans l'adoration, la bienfaisance, c'est le fait que tu adores Dieu comme si tu le vois. أخي, أختي, الله قريب. Frère ou sœur, Dieu est tout proche. ويجيب دعاء الصائم, et exauce la prière ou l'invocation du jeûneur. فكلمه في ضوء النهار. Parle avec lui dans la clarté du jour. وكلمه في ظلمة الليل et parle avec lui dans l'obscurité de la nuit. في سيارتك lorsque tu es dans ta voiture. في عملك lorsque tu es dans ton travail. في بيتك lorsque tu es dans ta maison. في بيته lorsque tu es dans sa maison. في كل مكان dans tous les lieux. كلمه parle avec lui. اطلب منه ما تريد. Demande-lui ce que tu veux. إياك ثم إياك أن لا تتكلم معه. Méfie-toi plusieurs fois de ne pas lui parler. إذا لم تدعه. Méfie-toi quand tu l'appelles pas. فهذا يعني أنك غير محتاج له. Ceci signifie que tu n'as pas besoin de lui lorsque tu parles pas avec Allah, lorsque tu l'invoques pas, lorsque tu l'appelles pas, lorsque tu lui demandes pas des choses. Ça veut dire tu te passes de lui. Ça veut dire tu es suffisant par rapport à lui. Ça veut dire tu n'as pas besoin de lui. هذا يعني أنك غير محتاج له. هذا يعني أنك غني عنه. هذا ذنب. Il s'agit d'un péché. أخي أختي إذا كنت تحس بأنك تتمتع بصحة جيدة. Frère ou sœur, dans le cas où tu ressens que tu jouis d'une excellente santé, ولك مال, et tu as une grande fortune, وما عندك مشاكل, et tu n'as pas de problème, فتقول لماذا أدعو الله. Tu vas me dire pourquoi j'invoque Dieu, pourquoi je demande à Dieu, je n'ai pas besoin. فاعلم بأنه هو الذي أعطاك. Sache que c'est lui qui t'a donné tout ce que tu possèdes, comme santé, fortune ou autre. لا تغتر. Ne te trompe pas. إنك دائما محتاج لأن يديم عليك العطاء. Tu as toujours besoin pour qu'il te prolonge ses dons et ses grâces et ses bienfaits. أشكره. واطلب المزيد. Remercie-le et demande-lui plus. أخي, أختي, frère ou sœur, إذا تكلمت مع الله, si tu parles avec Dieu, dans le cas où tu parles avec Dieu, تكلم معه كأنك تراه. Parle avec lui, mais comme si tu le vois. لا تتكلم معه كأنك تتكلم مع العدم. Ne lui parle pas comme si tu parles avec le néant, parce que tu le vois pas. تكلم مع الله. Parle avec lui. وأنت واثق من أنه قريب منك. Parle avec lui en étant ou en t'étant sûr qu'il est tout proche de toi. يسمعك. Il t'écoute. ويراك. Te voit. ويرحمك. Et il est plein de clémence envers toi. تكلم معه وأنت واثق أنه سيجيبك. Parle avec lui en étant sûr qu'il va exaucer tes demandes ou qu'il va te répondre. قل له يا رب. Dis-lui au Seigneur. إذا قلت يا رب. Lorsque tu dis et tu es seul, tu dis au Seigneur. أعلنت حالة الطوارئ في السماوات. L'état d'urgence se déclare dans les cieux. ماذا يريد عبدي. Que veut-il mon serviteur. ماذا سيقول عبدي. Que va-t-il dire mon seigneur. كلمة رب. Le mot seigneur مكون في العربية من حرفين. Le mot seigneur se compose en arabe de deux lettres uniquement. سهل في النطق. Le mot رب. Seigneur est facile à prononcer. حَتَّى يَسْتَطِعَ قَوْلَهَا كُلُّ النَّاسِ. Ainsi tous les gens peuvent la prononcer. حَتَّى الْمَرِيدُ وَالْمُحْتَضِرُ. Même le malade peut prononcer ce mot facile. رب. Seigneur. Même le mourant. أخي, أختي, frère, sœur. اختلي بالله. Isole-toi avec Dieu. وَدْرِفْ دَمَعَ أَوْ دُمُوعًا. Et laisse couler une larme. Ou plusieurs. فتكون من أصحاب الظل. Et tu seras parmi les gens de l'ombre ou qui seront à l'ombre. اشتري الظل الإلهي بدموعك في رمضان. Achète l'ombre divine grâce à tes larmes pendant ce mois de Ramadan. وتكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Et tu seras parmi les sept qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. رجل ذكر الله خاليا. هو يدعو الله يسأل الله ودموعه تجري. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Un homme ou bien sûr une femme, un homme qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé. أخي أختي frère sœur. إذا رأيت دموعك قد سالت وأنت بين يدي. Dans le cas où tu vois que tes larmes débordent entre ses mains lorsque tu es seul avec lui. ورأيت نفسك بدأت تتكلم معه. Et si tu vois que ça y est, tu as commencé à parler avec lui, فعلم بأنه سمح لك بالكلام. Sache immédiatement qu'il t'a autorisé, qu'il t'a donné la permission de lui parler. وفتح لك الباب. Sache qu'il t'a ouvert la porte. باب الإجابة. La porte de l'agrément, la porte. Comme quoi il a accepté ou il va accepter ou exaucer ta demande. فقل له ما تريد. Dis-lui tout ce que tu veux. قل له يا رب. Dis-lui Seigneur. وكلمه عن ذنوبك. Et parle-lui de tes péchés. وندمك. Et parle-lui de ton regret. قل له يا رب. Dis-lui ô Seigneur. وكلمه عن كربك ومحنك ومشاكلك. Et parle-lui de tes crises, de tes problèmes, de tes malheurs. قل له يا رب. Dis-lui Seigneur. وكلمه عن عائلتك وعن أولادك وعن بناتك. Et parle-lui de ta famille, de tes fils, de tes filles. قل له يا رب. Dis-lui Seigneur. وكلمه عن قبرك. لما تكون في قبرك يا رب لا تنسني يوم أدخل القبر. كلمه عن قبرك. كلمه عن مصيرك. جنة أم نار. Dis-lui Seigneur et parle-lui de ta tombe. Parle-lui de ton destin. Est-ce que ça va être le paradis ou l'enfer? أخي أختي frère sœur حاول أن تكون من المحسنين في هذا الشهر. Essaye d'être parmi les bienfaisants, les gens qui arrivent à l'excellence dans l'adoration, les excellents dans l'adoration. J'arrive à هذا الشيء اليوم. Expérimente ceci aujourd'hui. كلمه اليوم. Parle avec lui aujourd'hui. وفي كل يوم. Et parle-lui pendant tous les jours. وسطر العجائب. Et tu verras les merveilles. Tu verras des choses extraordinaires. أقول قولي هذا. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله serviteur de Dieu الإحسان لا يكون فقط في الكلام مع الله والعبادة والدموع. La bienfaisance, l'excellence dans le domaine de l'adoration n'a pas lieu uniquement dans la parole avec Dieu, dans l'adoration, dans les larmes qui coulent sur les joues. ولكن الإحسان يكون كذلك بالخلق الحسن. Mais la bienfaisance ou l'excellence a lieu aussi dans le domaine d'un comportement d'excellence, de jouir d'un comportement d'excellence devant Dieu. يكون كذلك بالنفق الحسنة. La bienfaisance ou l'excellence dans l'adoration a lieu aussi ou de la même manière par la meilleure dépense, par la dépense d'excellence, de donner beaucoup à Dieu subhanahu wa ta'ala. وأذكركم أن هذه الليلة الآتية. Je vous rappelle tous que cette nuit qui vient, la nuit de vendredi aujourd'hui vers samedi, ليلة الجمعة اليوم مقابلها السبت, هي آخر ليلة من ليالي المغفرة. Sera la dernière nuit parmi les 10 nuits du pardon qui se trouve dans le mois de Ramadan. لقد مرت ليالي الرحمة. Les nuits de clémence ou de miséricorde sont passées. وستنتهي اليوم ليالي المغفرة. Et aujourd'hui, les nuits du pardon, d'absolution prendront fin. فاشتروا مغفرة الله بمالكم. Achetez l'absolution, le pardon de Dieu avec votre argent, avec votre fortune que Dieu vous a donné. فَلَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ لَكُمُ الْيَوْمَ رِجَالًا أَتَوْ مِنْ بَعِيدٍ. Dieu vous a envoyé aujourd'hui des gens venus de très loin. مِنْ هُولَنْدَ. De l'Hollande, du Pays-Bas. لِجَمْعِ الْمَالِ مِنْ أَجْلِ بَيْتٍ لِلَّهِ تَعَالَى وَتَبَارَكَ. Afin de collecter l'argent pour construire une maison dans leur pays pour Dieu subhanahu wa ta'ala. فكونوا من المحسنين. Soyez parmi les bienfaisants. Soyez parmi les excellents dans la dépense. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا من لا إله إلا أنت، يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، يا من قلت إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب ها هم عبادك يسألونك، ها هم عبادك أتوك يطلبونك، وإنا نعلم أنك قريب يا قريب يا مجيب، وقلت بأنك تجيب الداعي إذا دعاك، فها نحن ندعوك فاستجب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لا نسألك اليوم شيئا إلا شيئا واحدا، مغفرتك. يا رب مرت ليالي الرحمة فهل رحمتنا؟ مرت أو اليوم ستنتهي ليالي المغفرة؟ يا رب نسألك أن لا تمر هذه الليلة إلا وقد غفرت ذنوبنا جميعا وذنوب المسلمين جميعا. يا رب إننا مذنبون، أتيناك بذنوبنا اليوم في هذا الشهر في هذا اليوم، وما أكثر ذنوبنا يا رب، ولكن ذنوبنا لن تغلبك ولا تغلبك، لأنك أنت الغفار الغفور. يا غفور يا غفار اغفر ذنوبنا، يا رحمن يا رحيم ارحم ضعفنا، يا قوي قونا، يا غني اغننا. يا رب يا رب امحي ذنوبنا في هذه الساعة. يا رب إننا ضعفاء لا نصبر على النار وأنت العزيز الغفار. يا رب من يغفر لنا إذا أغلقت بابك أمامنا؟ يا رب إلى أي إله غيرك سنمشي؟ يا رب يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب طهرنا من الذنوب في هذا اليوم، يا رب اشفي مرضانا، ارحم موتانا، ارحم لوالدينا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تغفر لمن لا يستطيع أن يدعوك، اغفر وارحم موتى المسلمين. يا رب ارحم موتى المسلمين في هذا اليوم. يا رب بلغ صلاتنا وسلامنا واحدا واحدا واحدة واحدة إلى إمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.